l'impact des sons avec notre balado-diffusion. Ici Jeannette Bertrand, vous écoutez Choc FM, la radio de l'UQAM. Bonsoir, en manchette ce soir. Je suis même pas sous, ok? C'est même pas vrai que je suis sous. T'as même pas de preuve que je suis sous. On va parler de concombre, de dauphin, de ponctuation et de jambon à 70%. L'émission où ce que je suis pas en ce moment parce que je suis dans la ville qui ment quand on rentre à l'intérieur parce qu'elle dit qu'on est dans la capitale nationale. 70%. La meilleure émission de toute Choc FM au complet. De tous les temps. Nous sommes heureux de vous apporter ces nouvelles et de vous les offrir sur un plateau d'argent. Quand la cloche sonne, c'est qui donne son 70%? Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort. Du bon, bon, bon, fort, chaton, et douton encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant. Pas de bêtises, pas de Jésus, les doutes tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Très content d'assister au retour de Simon Predge, Préjean, Parmonton Predge. C'est la découverte de la semaine. Bien sûr, Predge qui vient avec son quotient, contrairement à l'autre que j'ai en tête. Le film de ce soir, Ultimax Force, c'est Jessica qui est là, il y a Étienne Forêt. Oh ben. Bruno était là au téléphone, on est trop solide. Il est allé faire un show en pensant à nous autres à Québec. Uh-huh. On les appelle le monde dans le feu. C'est comme ça qu'on les appelle, les gens de Québec? Comme ça. Non, non, non. Les gens qu'on connaît. Québec, tu passes au feu, je comprends. Puis si la toune vous dit quoi, oui, c'est la trame sonore, en fait, de Naked Gun. Oui, voilà, l'agent fait la farce. Voilà. Traduction encore qui a bien du sens. Tout à fait. Puis au départ, c'était une petite télésérie de 6 épisodes. Puis ils ont tous recyclé les blagues de la télésérie dans des longs métrages. Puis c'est super drôle. Je l'adore, moi, ce personnage-là. Oui, moi aussi. Puis la blague du lion à la fin du 2, c'est encore ma blague préférée que j'ai vue à la TV. Ah ouais. Quand le méchant, il tombe en bas du building, puis qu'il y a un lion qui lui saute dessus parce qu'il a survécu à sa chute en bas du building. Ah là là là là là là. On ne doit pas avoir eu la même affaire, moi, j'ai pleuré. C'est tellement émotif. T'étais sûr que le méchant moustachu qui écoutait du classique était pour survivre. Ça dépend de ton background. Tu as sûrement d'autres références personnelles qui diffèrent de celles de Tommy. Ça les prend. Ça. Pour toi, un lion, c'est triste. Hey, sinon, vous avez reconnu le décousu, c'est 70%. Étienne Forêt, c'est de quoi tu vas nous parler, toi? Ben aujourd'hui, j'ai apporté une grosse pile de vinyle et quelques CD. Et je vous fais découvrir mes découvertes de l'été. Il y en a quelques-unes là-dedans que c'est toi qui me passais l'autre fois. Mes découvertes de l'été. Ce sont des bijoux. C'est comme le hit de l'été, mais à l'envers. Toi, t'as attendu de le vivre avant de le coller. C'est ça. Puis après ça, puis c'est à l'envers parce que c'est plus poche. Mais Étienne Forêt qui revient de la broussaille. Tout à fait, la broussaille de Eastman. Moi, je me suis vraiment ennuyée. Écoute, moi aussi, je me pouvais plus. Moi, je réécoutais les vieilles émissions. C'est ça. Moi aussi, je faisais rien que ça. Ouais. En regardant le coin de mur. C'est ça. Ben, boule en me berçant. Sinon, moi, j'ai déjà parlé d'Ultimax Force. C'est un drôle de mélange de Vietnam, de ninja, d'Américains de dernière mission, de personnel, de général, d'explosion, de munch et surtout de pédance. Simon Predge, tu vas nous parler de quoi, toi? Moi, j'ai décidé de faire une chronique où je vais péter les plombs. C'est un gars qui chiale tout le temps sur l'actualité puis sur tout le monde en général, surtout les nains. Attends un peu, t'es-tu en train de caler de quoi à long terme, toi, là? Je t'écoute-tu? Ouais, je pense que ça va être éventuellement... Faire compétition à Mario Dumont? Toi, t'es Simon Préjean, Predge, là, qui nous dit que tu vas revenir souvent à 70% nous raconter. Je pense que oui. Du pétage de plomb. Je m'en viens, Parfait. Predge, 360. Il y a Claude Bernier aussi, qui a une voix très radiophonique qu'on a pu découvrir les deux dernières semaines, qui devrait revenir dans le futur. Il nous fait dire salut. Mm-hmm. Mon Dieu, mais semble, Predge, je te verrais à V-Télé. Il est mal rasé, puis il garde son chapeau, même s'il met ses écouteurs. Moi, ce matin, j'ai écouté le show avec Gilda Roy, c'était bon. La question du jour, c'est est-ce que vous aimez notre décor? Et voilà, une bonne question. Puis si on l'aime pas, il change-tu? Et voilà, Jessica, toujours pertinente, toujours à sa place. Merci d'être repassée. C'est le canal Vanos. Vas-tu nous parler de quoi en particulier? Plein de choses. Plein de choses en commençant par la fin. Là, moi, je cherche la toune que je vais mettre. C'est une espèce de drôle de mélange entre Nirvana. Bon. Et puis, Never Gonna Give You Up. Oh my God, un mélange entre ça et ça. Il y a quelqu'un qui peut l'envoyer. J'essaie de le retrouver ici là, dans ma liste. Et voilà. C'était très bien fait, le vidéo. Mais pour vrai, je vous parle de vélo spatial, de Michael Jackson, puis de condom à nervure. Voilà. À 70%. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Trouver le lien et gagner une Central. Ah oui, toujours en train de faire gagner des voitures. Toi. T'es tellement un homme à cash. Oui. T'es tellement une plotte à char. Finalement, ça ne me tente plus. On va mettre Gérald Poudrier si on se mêlait tous de ses affaires. Ah. C'est vraiment très, très fort, ça. Puis je suis sûr qu'on ne lui donnera pas de l'argent au niveau de la socquin à lui. C'est rassurant parce qu'on n'a plus une scène maintenant. Si on se mêlait tous de ses affaires, il y aurait moins d'incidents. On s'occupait de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. Tu prends l'autre jour, quand je suis allé, faire un petit tour, au petit café, y'en avait un, pas mal pacté. Qui voulait tout casser? Si on se mêlait tous de ses affaires, y'aurait même moins d'incidents. On s'occupait de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. C'est pas correct de prendre les gens pour des sauvages ou des bandits. Parler dans le dos, parler des autres en hypocrisie. Si on se mêlait tous de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. À quoi ça sert de se faire la guerre, à haïr les gens qui sont contents, montrer du doigt, faire des grimaces. Que feront-ils nos enfants? Si on se mêlait tous de ces affaires, y aurait même moins d'incidents. On s'occupait de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. Ça mène à rien. Ça donne rien. Laisse donc tomber. Occupe-toi donc de tes affaires. Garde pour toi des préjugés. Si on se mêlait tous de ses affaires, y'aurait même moins d'incidents. On s'occupait de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. Si on se mêlait tous de ses affaires, y'aurait même moins d'incidents. Si on s'occupait de ses affaires, y'aurait même moins d'accidents. Y'aurait même moins d'accidents. Y'aurait même moins Les gardais pour la rançon en cas de besoin. Je ne voulais pas que vous soyez tentés. Bien sûr. Qui mieux que le plus salaud des fils de putain peut savoir ce qui se passe dans la tête des fils de pute. Alors c'est vrai ce que vous disiez, on est vraiment devenu expert en karaté. Ouais. Alors ça veut dire Que si j'en ai envie, je colle une raclée à ces gros frimeurs sans avoir une seule égratignure. Eh oui. Quoi, tu veux te battre, c'est ça? Non, je disais que... Non, mais il n'y a qu'à demander si tu veux te battre. Non, sincèrement... Allez, je vais te présenter à mes potes. Allez, descends là. Non, mais... Hé, il y a ce gringalet qui veut vous filer une raclée. Attendez, je... Si, si, il dit que vous êtes que des frimeurs. Ah ouais? Bah, salut. Tu crois que je peux y aller ou il faut d'abord que j'appuie sur... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a gagné un niveau quelque part. Oui. C'est, au moins, on a été témoins. C'est-tu toi, Predge? Ben, je sais pas. Tu te sens-tu plus sage? Ah, ben, j'ai une couille gauche qui a grossi, là. Ah, bon, voilà, plus de charisme. Maintenant, mon nom, c'est le sage. Ah, et voilà. Donc, Jessica, c'est toi qui as gagné un level. T'as-tu appris un nouveau spell? I put a spell on you. Ah, oh, ben, là, tu sais ça. Voilà. T'as peut-être parfait tes anciens, mettons. Hey, là, mettons, on commençait par quoi, là? On commençait. D'habitude, il y avait une nouvelle de Bruno. Fait que je pense qu'en fonction de ça, peut-être que tu pourrais y aller en fonction de ça. Étienne Forêt? Ben, je peux faire une nouvelle à la place de Bruno. Bruno est absent. Attends. Bruno est absent. Moi, il faut absolument, absolument, absolument dans mes headlines que je salue Liliane Schutt. Lui, voilà. Appelle-nous. On dit Liliane Schutt, si j'ai bien compris. Étienne Forêt en parlait l'autre fois. Moi, Étienne, que je resurprends encore. On est comme deux VJ, nous autres. Puis, ouais, ben écoute. J'arrête pas d'y envoyer des calls. Là, ça vient pas. Là. Je suis prêt. Et voilà, feu. Et voilà. Ensuite de ça, bon, ben c'est très important. Les poules, hein, les poulets sont une espèce animale, une des espèces les plus maltraitées au monde. Avec les récentes découvertes qui confirment les facultés cognitives et émotionnelles, le bien-être des poulets est devenu un sujet d'actualité. Certains en adoptent même comme animaux de compagnie. Malheureusement, les villes modernes, le rythme de vie qui ne permettent pas aux propriétaires des poulets de s'occuper de leurs animaux de compagnie de façon adéquate. C'est ici que le Poultry Internet rentre en jeu. C'est, le système consiste en une poupée qui imite les mouvements du poulet, du dit poulet, qui est relié par Internet grâce à un habit spécial qui retransmet ses mouvements. Le propriétaire peut alors flatter son poulet du bureau et le poulet ressent les mouvements sur son corps. Voilà. C'est au Japon, bien sûr. Mais on parle évidemment des grandes capacités cognitives des poulets dans le même article où on te parle de ça. C'est beau. On en apprend des choses vraiment intéressante. Si on a appris l'autre fois qu'il y avait un poisson rouge qui avait fait du limbo, on apprend que les poulets, maintenant, ça devient une raison de vivre pour le monde qui ont trop d'argent. Hein? Aïe, poulet. Ben, il parlait bien, le gars qui avait le nez plein. Eh oui. Et voilà, c'est après ça, c'est quoi? Là? Moi, je remonte celle-là ici. Ça me fait plaisir de commencer avec le film de ce soir. Il y a d'ailleurs une belle petite mise en situation rattachée à ce dit film de ce soir. Je vais laisser le dit film de ce soir parler du dit encore. Hey, j'aime ça, moi, les formules de phrases toutes faites. T'as même pas besoin de réfléchir. Ultimax Force, 1986. Je pars le fichier, vous allez voir, c'est la zone de branlage. On revient dans 3 minutes. Vidéoville. Très bon ban, check in MySpace. Je le sais. Je le sais, moi, que c'est bon. Sont ouverts, s'il vous plaît, appelez-nous. Appelez-nous à la station. C'est le générique. J'aime beaucoup la trame sonore. Si vous avez l'impression que ça sent les années 80, vous avez raison. On est en 86. Là, je me suis dit, je vais lui lire le nom des acteurs principaux, t'sais. Parce qu'il y a des acteurs qui défilent, comme Henry Stratsklovski et Ronnie Patterson. Toutes sortes de choses que, dans le fond, ça intéresse pas grand monde. tandis que la trame sonore. Le producteur créatif Ronnie Cross. Le directeur de la distribution Noël Malonja. Edilbert Naël Gass. C'est des noms prestigieux qui ont joué là-dedans. Photographie Joe Tutanès. Film philippin, hein. Aux Philippines, c'est une drôle de place colonisée d'une manière. Ils avaient oublié leur façon old school quand ils sont allés là. Mais moi, j'écouterais la bande sonore, la trame sonore en allant au travail, là. Ah, vraiment? Oui. Là, oh, t'arrives crinqué. Oh, ouais. Moi, je viens de me lever le matin, puis j'ai jamais eu autant envie d'être un cheval. Là. C'est écrit par Joe Avalon. Conrad Sépuzon. Pierre Sely. Ouais. Les gros noms. Des gros, gros noms. Ah ouais. Et voilà, Wilfred Milan, c'est le nom qu'on attendait. C'est pas le nom original du réalisateur, bien sûr. Lui est un Philippin. Et voilà, la zone de branlage, on est passé au travail. Écoutez ça. Écoutez ça. Drapeau américain. Une réalité choquante et terrible. Aujourd'hui, on comptabilise plus de 2490 appelés américains qui ne sont pas revenus du Vietnam. Depuis la fin de la guerre, on prétend qu'il n'y a plus un seul prisonnier au Vietnam. Mais quelque part dans la chaleur de la jungle, des anciens prisonniers croupissent encore dans des prisons Vietcong, oubliées par leur pays. Ce film leur est dédié. Leur être content. Ça va les aider à se battre là-bas. Donc, je pense qu'on vient de comprendre à peu près toute la polémique. Là, on sait juste c'est qui les noms des personnes qui représentent les personnes qui vont être impliquées là-dedans, puis ça nous intéresse déjà plus. Le film s'appelle Ultimax Force. Ça sonne bien. Ouais, ouais, ouais. C'est malade. Ouais. Je sais pas, man, Ultimax. Tu sais, c'est comme, mettons, t'es un dieu, tu vis dans la rue, t'es tough, tu te fais respecter parce que t'es plus fort que les autres. Tu demandes au monde autour de t'appeler Scorpion ou Tarantule. Mais non, c'est pas ça. C'est parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'il y a de plus gros au cinéma? IMAX. Qu'est-ce qu'on peut te faire de plus? Ultimax. Ouais, Ultimax. C'est mais moi, j'ai le goût de laver mes windshields avec l'Ultimax Force. C'est vrai, ouais. Yeah. Ouais, ouais. Sinon, c'est ça, ça fait détergent. Mais sinon, ce soir, c'est vraiment un film de ninja. Le héros ici qui a vraiment, vraiment un petit look de nariné. En tout cas. Il y a un bandeau avec le drapeau japonais et le drapeau américain dans son front. Bandeau, bien sûr, d'arts martiaux japon-américains. Bien sûr. Mais la cohabitation, ça se peut, là. Oh, j'ai aucun problème avec ça. En fait, je l'encourage et je la souhaite à tout le monde. Mais rendu là, de l'afficher dans son front... C'est autre chose, hein? C'est ça. C'est une étape plus loin. Puis il est en train de relaxer chez eux. Il y a des jeux d'ombre ici, là. En fait, le film commence, c'est qu'il y a une escouade du passé qui est au Vietnam. Et puis là, il y a un ninja qui se promène entre les gars puis qui va lui lancer des shurikens pour lui rappeler que c'est comme un code. Là. Quand ils reçoivent ce shuriken-là, il faut qu'il y ait telle place. Et là, il y en a un qui est en train de vouloir séduire une femelle hagarde avant de recevoir, bien sûr, un nombre de ninjas qui lancent des shurikens. Ah, j'ai obligé de tout laisser tomber. C'est même pas ça, mon texte. Je me lance dedans. 1986, film de Vietnam. On est en terrain connu, je pense. Aussi, je vous dispense de m'étendre longuement sur le synopsis. Ils l'ont déjà fait, eux autres. Des prisonniers de guerre sont au Vietnam et seule une bande d'adultes psychopathes déguisés en pyjama peuvent les sauver. Ninja, si vous aimez mieux. Vietnam, Ultimax Force, dernière mission, ninja américain personnel. Sincèrement, ça va être fort. Je viens tout juste de réécouter pour sortir des séquences et je fus pris dans un maelstrom de cavalcade, de rebondissements, d'actions telles que je ne puis me résoudre à ne pas m'arranger pour l'écouter deux fois dans la même journée. C'est un film qui est à moins 8, moins 9, là, vraiment. Malgré, ou peut-être à cause de, quelques-unes des pauses de bureau les plus lourdes de ce côté-ci de la neutralité, le film garde le cap. La trame sonore est plutôt raréfiée, quoiqu'on l'a vraiment savouré en background depuis tantôt. Oui, ça donne un souvenir. On la savoure. Mais ô combien pour le moins approprié au palais auditif de ceux qui sont en train de m'entendre. Les dialogues sont pour le moins donc vaseux. Au point où on a l'impression que des scrotums s'envoient de l'information pure, non filtrée par leurs cerveaux respectifs. Il manque peut-être un peu d'explosion pour un film de guerre. Quoique c'est à peine vrai. Il y en a sa pochette, là. C'est ça, c'est à peine vrai ce que je dis là. C'est condensé, les explosions. Condensé. C'est comme une toast au Nutella, là. T'aimes ça que ce soit partout, là. Là, on est à moins 8, moins 9, là. Moi, je vois les affaires qui auraient à désaméliorer. En tout cas. On est dans la liste. Le mot, là, qui veut dire quelque chose. C'est ça, ouais. C'est exactement ouais. Lui que je viens de sortir. Ouais, il me dit quelque chose. Donc, il manque peut-être un peu d'explosion pour un film de guerre, mais vous n'aurez pas le temps de vous en rendre compte durant la traversée de cette forêt de balles perdues, mitraillée dans des putains de Viet Cong qui vote beaucoup trop à gauche pour le goût de nos héros ou du squad qui a fait le film ou de n'importe qui. Donc, en somme, il va rester encore beaucoup de gens pour la diffusion d'un épisode de Rambo animé. Après le long métrage thématique Viet Cong oblige, on va écouter ça au brouhaha, c'est là que je voulais en venir, parce que c'est un moins 9, c'est un moins 8, la salle va être encore pleine à la fin. Là, ils viennent de vietnamiser la situation, puis ils s'en vont dans le temple bouddhiste pour que des ninjas sautent sur place. Écoutez ça. Oh, non, on va mettre une tourne, puis après ça, on va revenir avec DJ George. Mm. Non, on va mettre un clip. Non, on vient d'écouter un clip. Non, c'est vrai, j'ai justement une séquence audio tirée du film. Ah, comme c'est approprié. C'est très approprié, on en parle, je m'en vais à 13 minutes 5. Une noble tâche. Et voilà. Mais on vous laisse avec Ultimax Force et ses héros qui vont se présenter. Vous avez passé l'épreuve avec brio pour la tâche qui vous attend. C'est qui ce brio? Un de nos frères guerriers a besoin d'aide. Il est prisonnier dans un pays ennemi. Au Vietnam, pour être exact. Si vous voulez vous retirer, il n'est pas trop tard. Soyez certain que personne ne vous en tiendra à rigueur. C'est parce que le décor, il est fait au crayon feutre. Hein? C'est de bonne guerre. On voit les traces de crayon. Nous sommes liés par un serment sacré. Nous devons aider un frère dans l'adversité. Il n'est pas question de se retirer. Cette femme... C'est là, hein? ...est la sœur de cet homme. Elle connaît tous les détails. Ah, il est bon pour alourdir une conversation. Hein. Maître, Morgan n'est-il pas un ancien prisonnier de guerre? Il y a toutes les raisons de le penser. Ah, non, c'est pas ça. Sa sœur a invoqué le code auquel nous sommes soumis. Je comprends. Le code. Alors, si dans la prochaine minute, il reste encore des auditeurs, le dernier se mérite une licence Entra. T'as fait le plus longtemps. J'en ai terminé. Votre chef est parmi vous. Il y a une jig, ça. Ah oui, c'est vraiment fait au crayon feu. Qu'est-ce que c'est ça, ce décor-là? Suivez-le. J'attendrai ton retour. Aïe, calisse. Sayonara. Sayonara. Fais-moi plus qu'un mot seconde. Le Yamaha qui embarque. Ben oui. Qu'on est intoxiqué de tradition. Tout le monde sort de la pièce. On est rendu vraiment au point culminant de l'extrait que je voulais vous montrer. Nous devons compter les uns sur les autres, nous faire confiance mutuellement et ne faire qu'un. Pour ce faire, nous allons devoir briser le sceau du secret. Ouais, brise-les, là. Je suis Chris Burton. Dick Foster. Dick Foster. Mike Dolson. Bill Norton. Voyons. Fait que là, tous les ninjas se présentent. Jessica le sage. Mon frère. Ouais, c'est ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission à ce film-là. Je baisse la trame sonore. Si je rajoute une toune, puis qu'après ça, on revient dans l'univers de DJ George, ça a de l'allure. Oui, ça serait parfait. Ça a de l'allure. Bonne journée, le garage. Oui. On aime Israël Trudel Denis. Oui, on pense à lui. On pense à lui, mais on n'est pas fif. Non, on y pense. Non, parce qu'on aime la merde. Mais moi, j'ai le droit de penser sans être fif. C'est vrai. Tout ce qu'on veut, c'est avoir du fun, même si on joue devant 10 personnes. Ici Edgar Bory, là je suis ici, mais je m'en vais tout de suite chez nous pour écouter 70%. Je viens de découvrir l'émission, puis ça a l'air que c'est bien. Ben, c'est le fun, je viens d'en vivre une, là, je vais aller écouter les autres qui s'en viennent ou qui sont passés. Hey, c'était pur, ça. Tout à fait. DJ Georges. Oui, DJ Georges. Oups, un instant, je déplogue un fil. Hey. Et par la magie de la non-électricité, nous voici avec un peu moins de feedback. Donc, aujourd'hui, j'ai apporté un paquet de vinyles, comme je disais tantôt. J'ai lu l'autre fois en ondes l'arrière de la pochette du Secret de la jeunesse avec Jean et Jeannette, un petit disque d'exercice. Oh, oui. Et là, on va pouvoir en écouter des vrais bouts. S'il vous plaît. C'est passé par le processus, ça a été digéré par la machine. Oui. On en reçoit maintenant quelques extraits présélectionnés par le maître. Oui, que... oui. Les meilleurs exercices, vous allez pouvoir les faire. D'abord, on a l'introduction de Jeannette Bertrand qui dure 16 secondes. Mesdemoiselles, mesdames, un peu de courage, un peu de volonté. Pendant cette demi-heure, vous allez brûler des calories, modeler votre corps, découvrir surtout, exercice par exercice, le secret de la jeunesse. Jean, nous sommes prêtes. Et voilà, tel un libéral. On connaît le secret de la jeunesse, t'as baisé Jessica. C'est comme ça que ça marche. Donc, non, mais là-dessus, c'est pas ça qu'ils disent, par contre. On pourrait en vendre dans des enveloppes, je pense à ça. Ben, au téléthon. Hey, donnez-nous du cash, là. C'est ça qu'on veut. Donc, sur le disque, il y a 24 exercices différents qui font travailler toutes sortes de parties du corps. Donc, j'en ai choisi trois, vous allez pouvoir les faire à la maison. D'abord, l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Encore des grimaces. Tirez la langue en essayant de toucher le bout de votre nez, puis rentrez la langue. C'est un exercice vraiment pas facile. On y va. Tirez, rentrez, tirez, rentrez, tirez, rentrez. Plus loin. Faites-le avec nous rentrez, à la maison. Oui, tout le monde ensemble. Rentrez, vers le nez. Rentrez. Suzanne, vers le nez. Même pas proche. Il utilise souvent des prénoms de femmes pour avoir l'air plus personnel. J'ai déjà le... Jess Abert, Roger Langue encore. C'est pas facile à la maman, maison, on continue. Lâche pas, maman. Genre de nos jours, il dirait Julie, Nathalie, Chantal. C'est ça. Ça finit toujours par 5 secondes de blanc, comme ça, il dit repos, puis ça s'arrête. On a un exercice pour effacer le double menton. Alors, mesdames, à la maison, si ça veut un double menton, mais c'est la le langue, temps. Ça servait à quoi? Ça, je sais pas vraiment. Il l'a pas dit. Pour les verbaux moteurs. Exercice numéro 4. Pour effacer le double menton, prenez une pomme imaginaire. Ça ne fait pas engraisser. Ouvrez la bouche très grande. Mordez à pleines dents dans cette pomme imaginaire en refermant la bouche lentement. On y va? Ouvrez! Mordez! Ouvrez! Mordez! Georgette, c'est une grosse, grosse, grosse pomme. Vous êtes beau à voir. Ouvrez! Mordez! Ouvrez! Mordez! Repos! Voilà. C'est vraiment le fun, je le veux. Alors, que... je le confirme, ça marche. Predge et Jessica l'ont fait tous les deux, puis ils n'ont pas de double menton. Il a partagé sa pomme avec la mienne. Non, chacun sa pomme. T'en avais toi aussi. Oui. Imagine ta propre pomme. Ensuite, l'exercice 17, c'est un exercice à la fois pour les jambes et pour la conjugaison. Ah. Exercice numéro 17. Pour les jambes et le ventre. On part à bicyclette sur le dos. Cowboy. Jambes tendues vers le ciel. C'est moins facile à faire en studio. En commençant par la jambe gauche. On y va? Ben. Pédale, pédale, pédale, pédale, pédale. C'est à faire dans le quartier gay, évidemment. Pédale, pédale, pédale, pédale. On a des pédales, pédale. Je pédale, pédale, petite pédale. Nous pédalons, nous pédalons, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale, pédale. Nous pédalions, nous pédalions, il pédale. Je pédale, tu pédales, tu pédales, nous pédalons, nous pédalons, il pédale. Et voilà, c'est 1 minute 17 de même. Je pense que tout le monde est fatigué, donc on va changer. Ah ouais. On va changer l'album. Une façon de se détendre, c'est d'écouter Domino, qui nous apprend comment cesser de fumer. Domino, c'est un hypnotiseur québécois. En arrière de la pochette, on a une photo de Daniel Ouimet qui dort, puis c'est écrit « Parmi les grands hypnotiseurs du Québec, Domino a prouvé ses pouvoirs lorsqu'il a endormi Daniel Ouimet pour quelques jours. » Donc, je ne sais pas si Daniel Ouimet, ça a manqué à quelqu'un pendant ces jours-là. Il allait dormir pendant quelques jours. Alors, si on peut utiliser ce pouvoir-là pour dormir, mais aussi pour arrêter de fumer. Alors, ça commence avec une petite musique mystérieuse de même. On se concentre. Parce que là, on sent tout de suite qu'il y a du pouvoir. C'est ça, c'est plus vrai. Exact. Conditionnez votre esprit à cesser de fumer. Une fois que votre subconscient aura accepté et assimiler cette suggestion, Donc ça ici, je voudrais juste dire que quand on part une carrière d'hypnotiseur, ça serait peut-être une bonne idée d'apprendre à prononcer correctement le mot « suggestion ». C'est comme si, mettons, tu t'occupes d'une écluse, le mot « bateau ». C'est ça, exact. Suggestion. À un moment donné, on va voir où il en était. Cette suggestion qui est pour vous une auto-suggestion. Voyons! Vous pourrez facilement ordonner à votre conscient de cesser de fumer. Il n'a pas fait les exercices de langue. Pour une expérience, essayez cette méthode durant quelques jours et vous aurez sûrement un changement. Sûrement. Détendez-vous convenablement. Convenablement. On se détend. Et je vous invite à me suivre. Pas tout croche, là? Non. Prenez trois grands respires. Très, très grands respires. Je vous laisse aller. Et voilà. Un autre grand respire. Ça va très, très bien. Je confirme que personne ne fume en ce moment. Jusqu'à maintenant, ça marche super. Notre suggestion est vraiment importante. Que vous voulez arrêter de fumer. Et que pour vous, c'est une obligation. Et voilà. C'est long. Vous m'entendez très bien? Oui. OK, là, on est tanné, donc on va... C'est ça? Mettons, ça prenait 10 secondes, puis là, on est hypnotisé, puis après ça, ça nous tente plus de fumer. C'est vrai. En réalité, ça dure 11 autres minutes encore, mais c'est beaucoup de répétitions de ces quelques phrases-là qu'on a déjà entendues, donc... Suggestion. Faudrait l'essayer avec un fumeur, pour vraiment être certain. Sinon, pendant que j'étais dans mon chalet à Eastman, j'étais allé faire un petit tour à Magog, dans un Dollarama, puis j'ai trouvé des beaux albums. Entre autres, j'ai trouvé un album de Autre Chose avec Lucien Francœur qui s'appelle Dans la jungle des villes. Et je connaissais pas cet album-là, c'est super récent par rapport au reste de Autre Chose. C'est en 2001 qu'ils ont sorti ce disque-là. J'ai travaillé à l'Index québécois à Musique Plus, en fait à Musimax, on en parlait de ce groupe-là, Lucien Francœur. Ben oui, c'est ça. Mais de cégep. Oui, qui enseigne au Collège Rosemont. Voilà, tout à fait. Et puis, je ne savais pas qu'il avait sorti quelque chose de récent. Je savais qu'il avait fait de quoi en 70-80. Puis j'ai vu sur son site web, on parle de cet album-là, qui dit « Note, paru sans l'accord de Lucien Francœur. Disque Star a mis le nom Autre Chose pour mousser les ventes. » Donc ça, c'est un drôle de move en partant. Quelques centaines de copies ont cependant eu le temps de se faufiler dans les bacs des disquaires. Francœur n'a jamais eu le temps de terminer ses voix et le mix final n'a jamais eu lieu, ce qui explique la surabondance des synthés. Bref, le démo le plus cher de l'histoire de la musique pop au Québec, 140 000 $. Pièce de collection, sans doute. Alors, dépêchez-vous si vous voulez les collectionner. Il y en a plein à vendre à une pièce au Dollarama à Magog. Donc, les collectionneurs peuvent se rendre là. C'est un peu... c'est facile, finalement. Donc, je vais vous faire jouer... Jamais dû dire ça live, mais... Ouais, là, tout le monde s'en fait baisser. J'aurais dû toutes les acheter. Donc, il y a une pièce... je suis sur le bord de manquer de batterie. Je vais être obligé de plugger... Hey, ça, c'est passionnant. Oui, alors on va avoir un petit peu de feedback pendant qu'on écoute l'été reggae de Autre Chose. Je vais avancer un petit peu. À Montréal, ça fait que tu te retrouves sur le Mont-Royal. Les Daltons font un beat animal. Y a quelque chose qui sent les feux du mal. Les filles sont belles et en folie. Y en a qui dansent comme des gypsies. Voyez. Rasta. Ça c'est du peu franquin. C'est une tonne de Rasta. Fait qu'on danse toute l'église et du reggae dans la même chanson. Ah, t'as connu ça? Okay, bon. Tout le monde ensemble à la maison. L'été reggae. L'été reggae. Tu passes la journée sur le Mont-Royal. Même le soleil est high à Montréal. J'en ai une pire que ça encore. Non, t'es sérieux? J'ai rêvé de New York. C'est les paroles qui sont belles. Ouais, parce que la musique jusqu'à date, c'est pas très beau, là. La première fois que j'entends quelque chose qui ressemble à ça. J'ai rêvé, New York. J'ai rêvé, New York. J'ai rêvé, New York. New York City sur la scène. J'ai rêvé, New York. j'ai rêvé. Salut pour mon père, trip sur New York, ben raide. Ah ouais, bon, on salue Christian Bréjean, salut. Salut. Check it out, ça, là c'est bon. Monsieur Lester Young, si une bombe atomique tombait sur New York, surveillez-vous. Je briserai la vitrine de chez Tiffany et je piquerai tous les bijoux. Ça, c'est la chose à faire quand il y a une bombe atomique qui tombe. Monsieur Grégory Corso, qu'est-ce que la puissance? Rester au coin d'une rue et n'attendre personne. Alors voilà, ça c'est notre ami le poète, parce qu'il se dit poète lui-même. Oui, oui, oui. Je suis content de ne pas l'avoir eu comme prof au cégep. Ouais, t'aurais été obligé de trouver ça bon. Ou comme père. Oui, ou comme père, exactement. Ça doit pas être facile. L'entendre pratiquer même toute la journée chez vous, ça doit pas être facile. Ou non. Comme fils. On va écouter, c'est quoi, c'est Possession 5? Ah, mais ça, tu peux le renier, ça marche. C'est comme un câble, c'est bon. Ça. C'est bon. T'es comme un câble. J'en profite pour recharger mon laptop. Ce qui nous tient au courant. Ouais, t'as pas envie d'éternuer? Non, ça va. Je me gratte le menton. Possession simple, comme un câble. Tu fais d'autres tunes? Je sais pas. Elle est bonne. Tu crois que ça pourrait être un radio amateur qui voudrait se moquer des cibistes? Non, c'est pas possible. Nous avons une éthique. C'est impossible. Ils ont une éthique. Les cibistes ont une éthique, ce qui rend quelques actions qu'on pourrait leur attribuer nulles. Ben impossible. Oui. C'est une éthique. On est encore à 3 minutes de Bruno Corbin qui appelle tantôt. Je vais prendre le temps pour remercier d'abord Edgar Bory. Qui en fait, il m'a écrit un email, puis là il a fait une toune pour nous autres. Et puis oui. là, il a dit que la toune, ça avait créé comme quelque chose dans son monde à lui, puis que là, il voulait qu'on aille, qu'on la lance de manière officielle ici à 70%. Là, je sais pas trop, mais en tout cas, ce qui arrive, c'est que là, il veut nous reparler. C'est plus ça. Juste ça, on est content. Et voilà. Peu importe pour quelle raison. Et voilà. Quelqu'un nous parle, on trippe. Ouais. Mais mettons que... Hey man, on a pensé cigarette. À Gary Daniel Gabriel aussi en fin de semaine. Gary Daniel Gabriel, comme Gary Daniels, c'est inénarrable. Ouais. Et bien sûr, Danny Daniel Gabriel, notre contemporain et concitoyen. Puis c'est quoi aussi? Ouais, j'ai fait ma joke, ma nouvelle la semaine passée. J'ai-tu inventé une autre? Personne. Tu m'as pas tenu au courant de ça. Ah non, c'est ça. Rappelez ta secrétaire. Moi, j'ai hâte d'aller goûter la dernière mission. On est allé virer... Ah, voilà, c'est l'autre affaire que je voulais parler. On est allé virer au Lac-Saint-Jean. Oui, c'est vrai. Puis on est allé faire deux visionnements avec Mike Denton. Je pense que Mike Denton a gagné. Ouais. Et voilà, c'est 2-0 pour Mike Denton contre le Lac-Saint-Jean. Il n'y a rien qui peut battre. Il faut dire qu'il y a quoi comme population au Lac-Saint-Jean? On parle de 150, 250 000 personnes. C'est trop facile pour lui. C'est ça, c'est vraiment rien. Il va Saguenay, Lac-Saint-Jean, en plus que j'ai compté. Là, je lui ai donné une chance. Sinon, ben merci à Marc. Et puis sinon, à Québec, là, on est rendu avec un nouveau chapitre, les visionnements, douteux.org et tout. C'est Mathieu Cloutier que vous avez pu écouter il y a à peu près 2-3 semaines. Ouais. Là, j'ai fait un disque dur portatif que je vais laisser à M. Préjean qui va aller chez eux. Il y a des films dessus qu'il voulait voir. Et puis après ça, il va me le ramener. Puis non, c'est pas pour les voir, je les ai toutes vues. C'est pour monter le spécial sexe de la foire. Et voilà, la foire qui est l'autre. La foire qui est quand déjà? C'est du 20 au 23 novembre, c'est très important. D'ailleurs... C'est où ça aussi déjà? C'est au Brouhaha. OK, oui. C'est quoi qui se passe là déjà? Mais on va te guider, man. Le 20 novembre, c'est ma fête. J'aimerais ça que ce soit cette soirée-là, le spécial sexe. T'es de chasseuse, ça tombe le 20. Oui. Ça va être un vendredi, le 20 novembre. C'est le spécial sexe. Et voilà. Je vais mettre mes soupes de cuir. Je vous avertis. Je sens la ça tête. Va faire mal. Ouais. Ah oui. Sinon, il va y avoir bien sûr le Téléthon. Hein, fait que toutes les motivations ou les envies de faire des bouts de show sont les bienvenues. Il y a ma mère qui va revenir faire des tartes aux pommes, pas de pommes. Ah, j'ai hâte. J'en ai pas mangé la dernière fois, il n'y avait pas assez. Et voilà. J'en veux plus. Sinon, je vais en demander un petit peu plus. Là. Moi, il a envoyé un budget. Là. Sinon, Predge. Toi, tu dis que tu vas nous trouver quelqu'un qui va venir faire une démonstration Tupperware. On est là-dessus, on est là-dessus. Tu sais, je veux dire, on va pouvoir se saouler, on va avoir des clips en background, on va avoir une démonstration Tupperware. Si je suis pas capable de trouver quelqu'un pour une démonstration de Tupperware, ça va être une démonstration de jouets sexuels. Ouais, ça serait bien aussi. Ah ben, n'importe quelle démonstration, c'est show and tell à fond. Je vais faire ma démonstration, en fait, mon exposé oral sur l'évolution des techniques narratives en bande dessinée. Et puis il y a Emmanuel qui va revenir lire du George Lucas. Il est rendu à la troisième phrase. Oh. Il va essayer de se rendre plus loin. Cette fois-ci, il va amener Jack. Il semble que les deux premières sonnaient comme les trois premiers volumes. Là. Ah, c'est il n'y a rien à faire avec probablement ça. Probablement qu'on va expliquer aux gens comment se faire leur propre projectile parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Tu sais, hey, comment vous faites? Ça a l'air complexe. C'est vrai. Ça trompez-vous. Très complexe. C'est très simple hein, quand on sait comment. D'ailleurs, on a tourné un clip dans cette direction-là, moi et Simon Chénier. Ça devrait être monté. Avant longtemps. Puis voilà. Puis plusieurs autres surprises et tout. Créez vos propres et tout. Projectiles, pitchez-les dans votre télé à la maison. Sinon, je vous rappelle, j'aimerais réencourager tout le monde à tout le temps aller voter toutes les semaines sur le site. Le but, c'est pas d'aller voir le film. Le but, c'est de savoir ou de décider à quelle sauce les autres personnes vont passer leur lundi soir. C'est ça. C'est même plus le fun demain, dans le fond. Ben oui. Faut user quelque de chose pouvoir de vote. Et puis là, on est rendu avec un chapitre à Québec qui vont respecter la même liste ici. On va leur envoyer les deux films à chaque semaine. Et puis, ils vont avoir le même visionnement que nous autres, on est ici en même temps. Se sont trouvés leur animateur là-bas. Puis ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que si vous voulez qu'on aille mettre un peu douteux dans votre vie, vous pouvez nous contacter. Puis nous, on s'organise pour se faire une soirée à votre propre honneur. Je veux dire, moi, j'aurais fait ça à ma fête, mais donc je suis chanceuse, la foire tombe en même temps. Ah, je suis vraiment gâtée. Ça, là, c'est incroyable. J'avoue. Mais on est comme des clowns, tu sais. C'est ça. Mais pas, autres, là, pas pour le maintenant. On sonne à votre porte, on chante bonne fête. J'irai, moi. Visitez le site web pour plus d'informations. Le douteux dans ta cour. Voilà. Tandis qu'on attend Bruno Corbin qui voit le téléphone. Ça flash. Oui, ça flash en sapristi. Bruno Corbin à 70%. Bruno Corbin à 70%. Yeah! Notre lecteur de nouvelles, malgré son Bruno, ça flash, mais tu me vois pas. Ben non, mais j'aimerais ça te voir, par exemple, parce que t'es tellement belle. En plus, elle est dynamique. Je suis quand je suis pas là, hein? Ouais. C'est fou. Tu devrais revenir. Vas-y, man, parle-nous. D'accord, alors il y a Allison Edwards qui poursuit le zoo de Brookfield en banlieue de Chicago, car elle croit que les dauphins sont responsables pour des blessures suite à une chute. Elle affirme que le zoo aurait imprudemment et délibérément entraîné les dauphins à lancer de l'eau aux spectateurs, rendant le sol glissant. Le sol et où ses complices, les dauphins, sont donc blâmés pour la création de telles conditions dangereuses qui ont causé à la victime de tomber par terre en marchant le long de la piscine. Elle demande 50 000 $. Faudrait arrêter ça, ces maudites niaiseries-là. Faites des shows de dauphins secs, puis ça va être bien, ben oui, bien plus sécuritaire. Faudrait aller à la source, puis empêcher l'eau d'être mouillée, moi, ouais, je pense. Oui, je pense que c'est là qu'on va. Poursuivre, dans glace, ça pourrait se faire dans glace. Ça dans la glace, oui. Mais t'es... Fait que on va leur proposer ça, je vais les appeler. Là, on a tes nouvelles en rafale. Oui, oui, ça va être toute la batch de nouvelles. Après ça, il faut que j'aille sound checker. Les coffres des banques italiennes pourraient bientôt ressembler à des réfrigérateurs de restaurants. Les banques qui acceptent déjà les meules de fromage parmesan comme garantie avant de prêter de gros montants d'argent vont probablement bientôt accepter les bouteilles de vin et le prosciutto. L'idée a été lancée cette semaine par Gianni Zonin, président de banque et producteur de vin d'influence. Nous le faisons avec le fromage, pourquoi pas avec le jambon et les bons vins. C'est sûr. Le jambon, j'aime ça. Ouais. L'idée est même approuvée par le ministre de l'Agriculture, Lucas Zaya. Une jambe de prosciutto pesant 10 kg peut se vendre pour des centaines d'euros, semble-t-il. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on dit? Pour plus de 10 000 $ de concombres ont été volés en 11 cambriolages dans les 3 derniers mois. La police de Adelaide, en Australie, est confondue. Les voleurs ciblent les jardins et les marchés du nord de la ville et la police confirme le dernier vol de 50 sacs de concombres dans une serre à Virginia la fin de semaine dernière. Non, s'il vous plaît, chatouillez-moi pas pendant que je fais mes nouvelles, les gars. OK, uncool. J'étais rendu où? Le problème avec les concombres, c'est qu'il est difficile de les différencier ou de trouver le propriétaire d'un concombre en particulier. Je suis d'accord. Le chef de la police, Kim Zander, à ABC Radio, mercredi dernier. Nous avons de la difficulté à établir la destination des concombres, a-t-elle ajouté. Il faudrait qu'il fasse buriner des numéros de série. En tout cas, c'est ça que je fais. Ensuite de cela, il y a, d'accord, après avoir enduré la mauvaise ponctuation sur la pancarte indiquant le nom de sa rue pour plus d'un an, Stéphane Gatward ne pouvait plus le supporter. Il a décidé d'aller le corriger en ajoutant l'apostrophe avant le S pour la rue St. John's Close. Il a immédiatement été accusé de vandalisme par un voisin qui lui affirmait que s'il ajoutait une apostrophe, le facteur ne viendrait plus livrer les lettres. C'est clair, c'est clair. Clairement. Oui, il fumerait. Mais oui, il ne saura pas, c'est pas la bonne rue. C'est ça. Oui. Ces amendements à la pancarte ont ensuite été enlevés par d'autres voisins qui apparemment aimaient mieux la version avec des fautes. La défense de l'apostrophe de l'homme arrive après que le conseil municipal de Brigham ait décidé de retirer les ponctuations de leur pancarte pour des raisons de simplicité. Monsieur Gatward est très concerné par sa langue et va même jusqu'à ne pas utiliser la file « 5 items or less » à l'épicerie car la phrase correcte serait « 5 items or fewer ». Il ajoute qu'il ne va pas aller corriger toutes les fautes sur toutes les pancartes de la ville car ce serait un emploi à temps plein. C'est vrai, hein, faut pas oublier que l'anglais est menacé sur Terre. Oui, l'anglais est menacé. Ça paraît que vous avez jamais eu à vous battre pour votre langue. Moi je menace l'anglais dans ma prochaine chronique. Or fewer. All right. T'en as-tu une autre, toi, là? Oui, il m'en reste juste une dernière ici. Puis c'est le fun, c'est comme une publicité en même temps. Vous arrivez souvent en retard ou pas très en forme au travail et êtes à court d'excuses. Vous êtes tanné de voir vos collègues qui ont des enfants toujours pardonnés par leur retard et leur incompétence car ils ont la meilleure excuse du monde. Vous pouvez maintenant faire croire à tout le bureau que vous avez un enfant grâce à Office Kid. Office Kid vous fournit des photos de votre enfant, des dessins. Vous n'aurez qu'à le nommer. Vous pourrez vous aussi enfin avoir de bonnes excuses pour manquer à votre professionnalisme. Office Kid. Là, tant qu'à ça, parrainer un enfant d'Afrique, là. Ouais, mais il peut pas travailler le matin. Ouais. Ben oui, j'avoue. Ah, ouais. Ouais. Ben, tu peux dire que il des photos appelé de votre dernier voyage. Il m'a appelé toute la nuit. Il était bien bronzé, là, ce jour-là. Hey, voyons. Donc, ben, merci Bruno Corbin. Tu diras salut à Brun Citron. Tu merci diras que Bruno. J'aime ses chansons, puis qu'on espère le voir à la fois, puis que sinon, tu passes un bon show. Ah ben merci à toutes ces affaires-là, puis d'accord, je vais le faire à toutes les autres affaires que je peux pas dire merci parce que je suis pas concerné. Puis tu feras un gros câlin à Benoît Poirier parce qu'il est cool. All right, c'est Essaye bon. Pas de frotter tes mamelons sur ses mamelons. Ça Pourquoi? Serait... Parce que ça serait comme croiser les effluves, puis ça serait mal. Je me sentirais trompé. Ça serait indécent. Mais voilà, si tu veux qu'elle flash encore quand tu vas revenir, t'as des solutions. Bon, ben, passez un bon reste de show, tout le monde, puis je vais l'écouter demain, puis je vais sûrement trouver ça plate parce que j'étais pas là. Hey, c'est Ben, regarde, t'es comme là. Ouais, c'est bon, ben, je vais écouter ce bout-là, puis je vais trouver ça le fun. Ouais, c'est comme une demi-érection. T'es tellement pas invité. C'est mieux carré. Okay, bye. Salut tout le monde! Bye. Bye. Oh, hi, Bruno! On repart pas là-dessus, là. I did not hit her, that's not true, I did not hit her. The Room, bien sûr. Hi, Mark. Allez, on va écouter Hawkwind, c'est un band de rock progressif des années 70. Ils ont fait le plus gros hit commercial, c'est Silver Machine. Ici, on a le single, ça date de 72, je pense. Très, très bon. On revient. À 70%. Merci Bruno de penser à nous. C'est fou. On est touché. Très. On se touche. Tu veux un petit clou, tu vas voir, ça aide à éclaircir les idées. Oh, ce n'est vraiment pas le moment, Nono. Hé hey! Attends, Nono, donne-moi ce clou. Nono, tu es génial. Moi, génial? C'est vrai. Mais c'est prêt, fais bien attention, on y va, Télémac. Pitante, n'est-ce pas, mes amis? Un petit clou pour le réconfort? Oui, volontiers. Je mangerai n'importe quoi. Vraiment? Tu veux un clou? Oh, je veux pas. Tu n'aimes pas ça, ma fille? Pourtant, on a toujours besoin de petits clous, c'est soif. J'ai soif. Alors, pour ma première chronique, Predge pète les plans sur le CRTC. Alors, il était où le fade out? Alors, parce que j'ai entendu parler que le CRTC s'en vient d'en place, je me devais d'en parler un peu, parce que s'il y a quelque chose qui me dérange dans la vie, c'est ben la censure. J'ai tendance à m'énerver un peu rapidement, ouais. Donc je vais commencer ça tranquille. Toutes les fois que tu m'as frappé juste parce que je prenais du Nutella dans ton pot. C'est des tapes d'amour. C'était juste une pelle. Là. C'est une métaphore, ça, le Nutella? C'est parce que tu sais pas où c'était pour le mettre tout. Hein? Ouais. OK, ben pour ceux qui l'ignorent, le CRTC, c'est le Conseil de radiodiffusion de télécommunications canadienne. Mais si vous voulez mon avis, c'est plutôt des crises de retardés, toujours censurées. Oh, attends, je m'énerve. Ça y est. Okay. Ça a pas l'air facile. On est censé vivre dans un pays libre où la liberté d'expression fait loi. Mais finalement, si on fouille un peu, on se rend compte que c'est une façade, une illusion. On nous prend pour des caves. Premièrement, pour tout ce qui a trait à la politique, on a généralement des conseils nationaux et provinciaux, mais pour ce qui est du contrôle des médias, c'était et ça restera caca canadien. Pis j'aime pas ça. Mais là, attends, c'est pas un message de propagande souverainiste, là. Au contraire, c'est juste ça, un de mes nombreux préjugés contre les Canadiens anglais conservateurs qui dirigent le CRTC. Ces Chris-là qui voudraient qu'on vive encore comme à l'époque de la vieille calice de reine d'Angleterre en putréfaction pendant qu'elle prenait encore des décisions. Elle dit que j'ai déjà chanté pour la reine d'Angleterre. Maudite vieille folle à la peau plissée et de bling-bling. La dernière fois qu'elle venait à Ottawa, j'avais chanté pour elle. La chienne, elle sentait encore les champignons comme un vieux bas qu'on oublie dans un coin de sa chambre pendant une couple d'années. Ah, c'est-tu que sa face de mépris trahissait ouvertement son « je m'en calisse » face au chanteur d'opéra. Puis à Simon Predge qui s'était fait inviter à aller chanter avec une bande de crapets Imagine de John Lennon. Hey, son trip au Canada à vieille folle, ça a coûté des millions. Puis pourtant, elle aurait préféré se passer le Godmichet en or orné de diamants que d'écouter nos belles vernes sur notre fierté d'être donc canadien. C'est pas des tartes, j'y aurais pitié, hostie. C'est des roches, puis de la marde. N'importe quoi de dur puis visqueux. Mais là, je m'écarte de mon sujet principal. Calme-toi. Prends trois grands respires. Vous avez sûrement entendu parler des nombreuses plaintes qui ont été déposées au CRTC après la diffusion du Bye Bye 2008. On nous a bourré de crâne en nous débutant que c'était don vulgaire, méchant et raciste qui s'est dit dans les quelques sketchs du dit show de rétrospective. Mon Dieu, faut pas rire de Barack Obama, il est tellement noir. Mon doux Seigneur, faut pas rire de Nathalie Simard, elle l'a tellement pas eu facile. Pauvre petite chouette. Sacrement, ils viendront pas m'enlever le droit de rire des tabarnaks d'Américains ou de leur petite face de rat à la connasse à Simard. C'est un droit acquis dans lequel je me sens chez moi. Mais après avoir fouillé un peu dans les sous-vêtements du CRTC, j'ai découvert qu'il y a eu uniquement 28 plaintes d'auditeurs au sujet du bye-bye. Non. Je répète, il n'y a eu... que 28 plaintes. Il se passait juste pas grand-chose dans les nouvelles en début d'année. 28 calices de morons, probablement des gens d'âge d'or, sans amis ni famille, qui n'ont rien eu de mieux à faire que de se plaindre au CRTC parce que c'était la seule façon pour eux de jaser avec quelqu'un le soir de Joe Delan. Probablement ma mère. Hey, c'est sûr que ta famille te renie, pis que même le gars du dépanneur veut pas te parler. T'es une petite conne sans vergogne. Si tu meurs d'une rapide maladie à regarder à Virginie, ça prend, je vais plus t'entendre. Excusez. Ok, ça a donné des conférences de presse, des excuses publiques et tout le Bataclan. Ils en ont parlé mur à mur dans les journaux. Juste pour ces estis de 28 crétins qui s'habillent encore avec des chandails Humeur Design. C'est tellement pour une bonne cause. Ben là, c'est bon. Et puis les milliers d'autres auditeurs qui ont aimé ça, eux autres, qui ont trouvé ça drôle de bitcher la très fécale Nathalie Simard. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben rien, qu'est-ce qu'il fait qu'ils fassent? C'est des astis de moutons aveugles qui mangent gaiement tout ce qu'on leur donne comme goulash à avaler. Maudite gang de conformistes sur le Viagra. Il mérite juste qu'on les cloue sur une chaise et qu'on les force à n'écouter du Nathalie Simard, justement. Ah non, ben non, c'est vrai, ils aiment ça eux autres. Ah fuck it, je l'ai plagré sur le sextape de la reine. Le canal spécial des fantasmes de sa majesté. Sur les ondes de V, la semaine prochaine. Ah oui. Canal Vanance. Sinon, il y en a d'autres. Il y a Falardeau qui détient un nombre record de plaintes du CRTC. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas un cave, là, celle-là. Là. C'est quelqu'un de cultivé qui est fier de ce qu'il est. Ouais, on s'entend. Là. Ouais, ouais, jusqu'à un certain niveau. Là, bon. On s'entend à un certain niveau. Mais le point est que. Le point est que son opinion vaut autant que la petite poudre à Charest, là. Mais à chaque fois qu'il s'ouvre la trappe, les matantes de Saint-Cléophas forment une coalition pour l'éradiquer de la surface de la planète. Calice de pétasse! Le gars, il a le courage de se tenir debout, puis tout ce que tu trouves. À faire, Asti, de leur pousser du revers de la main en le traitant de frustré au langage des rasants. Asti, c'est sûr qu'il est frustré, t'arrêtes pas de piocher dessus avec tes mauvais goûts de bas étage. Il nous force à fermer nos yeux, puis on essaie de faire la même chose avec eux, ils nous traînent en cours, les astidras. Scam, Pritch. Tu t'emportes encore, là. Ok. Excusez. On a bien fait de le désarmer. Tu m'as fourré dans la tête. Ok. Bon, vous saviez, vous connaissez toutes aussi l'émission. L'extraordinaire émission Call TV. Mais oui. Touchant. Il y a eu des plaintes, hein? Ben oui. Ils ont reçu des plaintes, Call TV. La semaine passée. Oui, mais il y a plein. Gros articles. Mais moi, j'ai l'impression. Bon, il y a la presse, bon, ils en ont parlé beaucoup, mais moi, j'ai l'impression que ceux qui se sont plaints, là, c'est probablement du monde qui ont appelé pour essayer de gagner une coupe de pièces, puis qui ont perdu parce que, évidemment, c'est des perdants, tu sais. C'est clairement. Sacrément. Si t'aimes pas ça, regarde-les pas le show, si arrête de te plaindre, ça me purge moins le monde qui écoute des affaires qu'ils aiment pas puis qu'après ça ils se plaignent. Bon, ok, attends. Ok, je sais qu'on fait ça aux douteux, là. Non, mais le mamelon de Janet, c'était pas supposé apparaître. Puis là, mon enfant de 8 ans regardait ça. Oui, mais là, regarde. Je sais qu'on fait ça douteux, on regarde des films poches qu'on aime pas, pis tout. Qu'on adore. On se pose des. On l'avale, puis on pose des questions. Mais on va pas écœurer les créateurs jusque dans leur salon, asti! Des fois, sauf oui. Pour Gilmore. Oups, là, je l'ai dit. Tu voulais dire Danny? Non. Non, ben non. Je veux dire Happy. Jean-Jérémy Gilmore, ouais. C'est quelqu'un qu'on connaît. C'est mon cousin. C'est fatiguant. Bon, là, je recommence à avoir mes tics de frustration, là. Oui. Fait que, en conclusion, je vous citerai l'article 3B de la réglementation du CRTC. Alors, ça va comme suit. Il y a infraction à l'article 3B du règlement lorsque les propos diffusés comprennent les trois éléments suivants. 1. Les propos sont offensants. 2. Les propos offensants, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe de personnes à la haine ou au mépris. 3. Les propos offensants visent la personne ou le groupe de personnes pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale. Fait qu'il faut être noir, gay, lesbien pour pouvoir rire des noirs, gays, lesbiens. Même si je vénère les femmes, même si je suis pas raciste pour deux scènes, même si ton orientation sexuelle, ben, je m'en calisse quand tu fais ça chez vous. Là. Ben, en conclusion, là. Hey, fuck you, Maman Dion! Fuck you, Nathalie Simard! Fuck you, esti de lesbienne, vous êtes toutes des fifs! Fuck you, esti de preacher nécrophile! Pis les juifs, pis les nègres, ben mangent tout de la merde! Mais surtout, je chie allègrement sur le CRTC qui censure nos vies! Fuck you, tabarnak! Mais c'est pas que je crois ou non en ce que je viens de vous dire qui est important. L'important pour moi, c'est de pouvoir dire ce que je veux dans mon pays, parce que c'est ça! La liberté d'expression, sacrément. Là, il est où, Israël, là? On a besoin de tes... J'ai envie d'entendre parler de Deschafeco, là. On a besoin de toi, vieux. Sur ce, je vais aller vider ma haine en lançant des rushs à des touristes. Je suis ben trop pompé. Est-ce que ça me fait du bien? Là, Et c'était Simon Pradge à Radio X. Oui, à Radio X. Parce qu'on a le droit du choix, man. Oui. Mais moi, je suis d'accord qu'on peut dire. Je suis d'accord qu'on peut dire ce qu'on veut, mais après ça, il faut faire face aux conséquences, par contre. Oui, oui, oui. Vous pouvez appeler. Attends, avez-vous le numéro par cœur? 987-3000, poste 1610. Alors, 987-3000, poste 1610. Je vais être prête. J'ai mes rushs. Si vous voulez m'appeler et en discuter, on est prêt. Pendant que lui fait son rire démoniaque, Étienne Forêt. T'as-tu une toune, mettons? On va prendre une petite toune de DJ George avant de retourner vers ta chronique. Je pense qu'il faudrait bien. Je vais partir une des tounes au hasard parmi tout ce que j'ai samplé. Ça va être une toune de Albert Babin qui s'appelle « Essaye pas de comprendre ». À 70%. Critique tout le temps à propos qu'on sait pas chanter. On est juste des chanteux qui essayent de passer le temps. Mais si je te disais, t'as raison, c'est ben juste ça. C'est ben juste en ce temps-là. Enfin, parle-moi. Essaye pas de comprendre ce monde-là. Essaye pas de comprendre. Oublie ça. J'église que je vis. Si tu te penses bien mieux, pourquoi toi tu n'écris pas? Achète-nous l'enjeu et tu le bosses pour faire copier. Tu sais, c'est pas comme ça que je vais m'acheter de quoi manger. Albert Babin, essaye pas de comprendre. Tiré du CD, essaye pas de comprendre l'Acadie. Disponible également au Dollarama de Magog pour le prix de 1$. Donc, sur cet album-là, ce que j'aimais, c'est qu'il y a aussi plein d'autres tunes. Toutes les tunes sont plates demain. Donc, on a reconnu d'ailleurs la chanson Country Triste, qu'on appelle aussi La Complainte. On a un téléphone un instant, ici, oui, il y a un appel. Pardon, monsieur Georges. Oui, bonjour, allô? Vous êtes à 60. Hey, excuse-moi, je peux pas être en studio, là, mais hey, vous avez manqué ça, là, je vais t'empoigner un tabarnak avec une roche, man. Il y a plein de touristes, là, c'est malade, man. Il y en avait avec un kangourou, jaune orange, man. Merci, Simon Bréjean. Il va falloir qu'on lui récible son mandat. Tiens. Okay, attends, il y en a un autre, attends. Soit ça, ou soit il y a juste sa prescription. Lance-y ton cellulaire. Lance-y ton cellulaire. Mon quota. Je m'en fais attention, là. Ça y est. Et voilà, il est déchaîné. ben, continue, mon Étienne. Oui, alors, Albert Babin, ben, sur l'album, il essaye pas de comprendre. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Hey Badou. Puis, il y en a un autre qui s'appelle Cointoué. Ça s'écrit C'WH'INTOE, accent aigu. Donc, ça, finalement, c'est Quintoué, mais écrit seulement très bizarrement. Ouais. Puis l'autre tune pour pas devenir comme Zeux. Donc, c'est toutes des tunes assez country. Essaye pas de plate. Comprendre l'Acadie. Il y a rien à comprendre de ça. On a beau essayer. Un autre album que j'adore, Renouveau Conjugal. Donc, ça, la pochette, on a une petite silhouette de femme à gauche, une silhouette d'homme à droite, une croix de Jésus au milieu centre. Et au-dessus, un cœur rouge marqué Amour. Alors ça, c'est Lynn Chrétien et Jules Durivage qui nous donnent des conseils pour notre couple et le tout entrecoupé de belles mélodies. Donc moi, j'ai écouté ça avec mon couple, puis c'est fou comment que je me sens renouvelé. À te laisser. Je me sens renouvelé. Écoute, je vais vous faire passer la première, en fait la deuxième piste qui s'appelle L'amour, mais évidemment, ça commence par des petits conseils. Certains instants de notre vie de couple sont difficiles. La routine s'installe. La déception et la solitude deviennent peu à peu maîtres d'une vie à deux. Mais si je t'écoutais vraiment? Et si je m'ouvrais vers toi? Si je vivais pour toi? Alors l'horizon s'élargirait et nous engloberait. Ouvrons-nous donc dans cette paix bienfaisante. Quoi? Et la chanson commence. Hein? C'est assez touchant, ça? Mais moi, ce que je disais tantôt à Tommy, c'est que Simon et moi, on est passés au stade de s'ouvrir, fait que je vais faire un threesome avec le Yuki. Ah. C'est à voir au brouhaha tout à l'heure. On va être dans la cuisine. Alors, on salue le cuisinier du brouhaha. Hey, écoute-moi ça. C'est, hein, comment tu veux laisser ta blonde après avoir écouté une affaire de même? Sinon, ben, on a la piste suivante, numéro 3. L'amour, ça coûte rien. Tape-moi pas, c'est une... Ce n'est pas de grandes déclarations. Non, non, non. C'est des petites choses. Voilà. C'est être là. C'est le dire. C'est regarder. L'amour, c'est aussi écouter. Ah, c'est mais aussi ça. Mais si t'es aveugle ou sourd... Ah, tu peux pas aimer. Fuck you. L'amour, c'est de flatter avec un doigt en attendant que ça dilate. Hey, écoute-moi ça, toi. En plus, ce qui est beau, c'est que cette chanson-là, ça s'appelle « C'est l'amour qui fait qu'on s'aime ». Donc ça, ça s'appelle... Oh, wow! On appelle ça une tautologie. J'aime ça, les belles phrases de même, ouais, moi, dans on la s'en vie, dit là. Pas assez de phrases, hein, inutiles comme ça, comme « plus qu'il pleut, plus qu'il y a de la pluie ». Ouais, ou on va dire comme qu'on dit, ben pour dire qu'il plus dit... Plus c'est plat, plus femme qu'on a hâte que ça finisse. Ouais, on va dire comme ce gars. Donc, le renouveau conjugal, c'est comme ça, d'un bout à l'autre, c'est un pur délice. J'ai fait écouter ça à plein de monde dont le couple allait mal, puis à cette heure, ils arrêtent pas de se frencher. Ou en tout cas, ils se sont ligués contre toi, fait qu'un ennemi commun, man. Exact, comme, ça, c'est comme Dragon c'est bon. Ball, man. C'est tout ce que ça prend. J'ai un autre album ici de Suzanne Lapointe. Donc, je peux vous montrer un peu la pochette aux gens qui sont ici. On a une jeune Suzanne Lapointe avec une coiffure montée et un gros boa rose. Donc, Suzanne Lapointe, avant d'être la grosse madame qui riait super facilement de toutes les jokes de Gilles Latulippe au Démon du Midi... C'était la petite madame qui riait facilement de toutes les jokes. Oui, c'est ça. Mais même avant ça, elle faisait des disques. Donc, moi, ce que je veux vous faire jouer, hey, vous allez voir, c'est... Ça. Attends un peu, là, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour qui fait qu'on s'aime. Mais vous allez voir, là, vous trouvez ça dur. Hein? Mais là, je vais vous faire jouer Chèvrefeuille de Suzanne Lapointe, ooh, qui est une traduction libre de Scarborough Fair de Simon and Garfunkel. Oh. Et vous allez voir, c'est encore plus mauvais. OK, pourriez-vous éteindre la tondeuse? Qui passe au pays, attention, c'est là que c'est beau. Chèvrefeuille, que tu es loin. Je veux me marier en médiéval. Hein, Suzanne Lapointe, on comprend pourquoi elle n'a pas fait plus que ce disque-là. On m'en avait vendu un paquet à l'époque, elle a vraiment une grosse famille. C'est vrai, les Lapointe. On les salue. Voilà, bon. Hey, Pigeon a eu une autre, là, puis après ça, on va parler du film un petit peu. OK. Hey, écoute-moi ça, toi. On dirait qu'à l'égorge, une brebis par phrase. OK, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus joyeux. On a Serge Laprade. Oh yeah! Serge Laprade qui chantait évidemment son éternel succès Capri, c'est fini. Mais je vais vous faire découvrir d'autres choses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par éternel succès? C'est la toune qui est associée à lui. D'ailleurs, ça, j'ai un petit peu de trivia. Capri, c'est fini, ça a été chanté en France par Hervé Villard. Serge Laprade l'a indiqué presque en même temps, genre deux jours après. Puis il n'y a plus personne qui se souvient de la version originale. Tout le monde l'associe à Serge. Alors Serge, il nous a déjà aussi fait « La vie, c'est pas compliqué ». Une belle toune qui a été écrite par Manuel Tadros. Oh! Chasser le manuel, il revient au tableau. C'est comme l'automne, les fleurs tombent. Ouais, regardez bien. Tu es triste, c'est profond. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Voilà. C'est comme rire, ou chanter, ou faire l'amour toute la nuit. C'est exactement comme ça. Tu es triste, et alors, ne gâche pas ton avenir. Dis-toi bien, et très fort, qu'il y a moyen de s'en sortir. La vie, c'est pas compliqué. À chacun sa destinée. Ne sois jaloux de personne et tu resteras un homme. La vie, c'est pas compliqué. Parfois en haut, parfois en bas. Oui, merci. À chacun sa vérité. Le bonheur est toujours là. Merci Serge, j'aurais pas su le mettre. Mais voilà. Orgueilleux et après. Hey, on est de retour à parler du film. C'était vraiment comme si je venais de mettre une paire de bottes à cap dans la face de la toune à Serge Laprade. Ça m'a fait beaucoup de peine. Hein? Ouais. Je vais laisser la jouer, là. Je vais juste partir ici l'extrait où on était rendu dans notre exploration audio du dit film. C'est à quelle minute, ça, déjà? On est rendu à 17 minutes pile. Je pèse play. Vous allez voir, là, la dernière information qu'il y a eu, c'est le maître ninja qui a dit « Va voir cette... la sœur de cet homme est cette femme. » Il a dit quelque chose de même. Mais il parlait moins vite. Ouais, ouais. Je compte sur toi, Chris. C'est la femme. Compte sur moi, Audrey. Donc, on a confirmation qu'elle compte sur lui. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a quatre gars dans un char. Un sergent instructeur qui était officier de renseignement au Vietnam. Pourquoi on ne va pas directement au camp le demander? C'est pas possible. Ça risque d'attirer la curiosité des sergents instructeurs et de faire capoter notre opération. Ils ne veulent personne au Vietnam, pour des raisons politiques, entre autres. Raisons politiques, le Vietnam qui reste un état où tout va très mal et les stéréotypes affluent, abondent. On skip 30 secondes, on s'en va vers 18 minutes 10. Des renseignements. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça, il parle de renseignements. Ouais, le 18 minutes 10, j'ai dit. Et voilà dessus. Là, il va aller voir le gars des services spéciaux. C'est de la merde. T'appelles ça des renseignements? C'est de la merde, tout juste bon à jeter à la poubelle. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de tirer ça au clair. Dis-moi, tu te fous de ma gueule, Burton? Tu déplaces un des officiers de renseignement les plus gradés de l'armée des États-Unis pour lui montrer une merde pareille? Trois. Où t'as décoté ce truc? Je l'ai eu par un journaliste de Warzone Magazine. C'est pas vrai. Je te répète que c'est de la merde. 4, ça va pas. T'as perdu la tête, Burton? Hey, si t'es con. On s'embarque pas au Vietnam, la gueule enfarinée. Non, oh non. Ce qu'il te faut, c'est un document photographique sérieux. Format SR-71, fait par des gars des renseignements. Il te faut du boulot de pro. Y'a qu'au renseignement que t'auras ça. D'accord, on peut le faire, on est des pros. T'es complètement marbré, ma parole. Y'a que les renseignements qui ont accès à ces informations. Je reviendrai dans 24 heures les chercher. Burton! Burton, c'est le gars qui a le drapeau. T'es complètement barré! Ces renseignements sont répertoriés. Classés, confidentiels, top secret. Fait que là, il dit, je vais repasser demain, puis il s'en va, puis le gars, il dit... Il y en a qui ont été pendus pour moins que ça. T'es vraiment dégueulasse. Si j'avais su que t'étais venu pour ça, mais j'aurais même pas accepté de te voir. Tout cas, ne compte pas sur moi. Je marche pas, Burton, je t'emmerde. Les chars sont partis, ils gueulent. Continue de crier. Ah, et voilà, je t'emmerde, merde. Fait qu'on est à 7. 7, ben oui, je t'emmerde. Fait que le gars, il était, comment dire, insatisfait. Peux-tu me repartir encore l'affaire de Pierre? De Serge, tu veux dire? De Serge, oui, c'est ça. Ça me fait plaisir de faire mon petit texte avec Serge. C'est une question de droit d'auteur, on n'osait pas le nommer. Donc, on vient d'écouter la séquence de Ultimax Force durant laquelle on apprenait un petit peu comment ils mettaient en branle leur mission d'aller au Vietnam, sauver leur ami personnellement, kidnappé de manière personnelle. C'est normal. C'est normal. Hey. Donc, c'est un film de guerre, mon style préféré de la grande famille des douteux. Le film débute alors que les héros s'entraînent, et puis on apprend très vite qu'un de leurs amis est découvert vivant dans une prison de POW au VN. Donc, pas de crainte, l'enlèvement a bel et bien eu lieu avant l'entraînement. Cependant, ces deux phases importantes arrivent à leur complétion alors que le film n'est qu'un embryon d'insultes. Comment remplir 90 minutes de bobine avec ça? Ultimax Force vous le montrera très bien. Né de la même tête que W, la vengeance des sauvages, que l'on écouta ici et ailleurs il n'y a que quelques semaines, Ultimax Force est réellement un des classiques du genre. Là, je parle dans les 50 moins plus douteux films qu'on a vus. Quand on parle de moins 8, moins 9, c'est qu'on est loin de la neutralité. Il y a de l'intérêt. Aussi, vous allez sentir ce soir la différence entre un moins 5 et un moins 9. Film philippin de 1986 à il n'y avait rien pour lui. Hein. Ultimax Force est de ces longs métrages qui provoquent des questions sérieuses avant même d'être sorti du club vidéo. D'abord, c'est quoi ce titre-là, Ultimax Force? Ensuite, pourquoi cette fascination de la part du réalisateur-scripteur philippin pour les États-Unis? Un être humain a le droit de voter à gauche et de survivre à 90 minutes de scénario. Moi, j'y crois. Quoique depuis que j'ai revu Ultimax Force tantôt, j'en doute un peu. Tous des menteurs, ces socialistes. C'est normal, ils ont perdu leur personnalité au profit du parti. Je vous le rappelle en fin de texte, allez voter. Même si vous ne revenez pas voir le film toutes les semaines, allez voter au douteux.org sous l'onglet projection. C'est encore plus vrai maintenant qu'on a un chapitre au Nincassie de Québec. Autrement dit, tous les lundis soirs, visionnement de douteux au brouhaha de Montréal et, en simultané, le même film qu'on vote sur le même site de partout dans le Québec, à la Nincassie de Québec, à partir du 7 septembre, bien sûr. Avec l'annonce de ce chapitre, j'en profite pour lire les règles de notre club. 1. On parle à tout le monde du club. 2. Attention, très important, on parle à tout le monde du club. 3. Si quelqu'un chiale, se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité. 4. Pas plus de un film à la fois. 5. On écoute le film choisi jusqu'au bout, sinon on fait rire de soi. 6. Si c'est votre première soirée au club, vous devez essayer la dernière mission. C'est pas mal les... Ouais. Tu finis exactement en même temps que Serge. C'est signe. On retourne dans le film ici, l'excellent Ultimax Force. Je suis à 21 minutes 05 secondes. C'est quoi là? Oui, hein, ça lui prend quelqu'un pour les amener là-bas dans ce putain de territoire Vietcong. Alors combien? 100 000 dollars américains. Pour faire quoi? Du support logistique. Du transport et du petit armement léger pour 4 officiers d'élite. Sur le mur, c'est écrit « Any war will do ». N'importe quelle guerre fera. Ben oui, on veut de l'action. Ancien prisonnier de guerre. C'est vrai. Le prix vient d'augmenter. C'est un simple raid de commando. Jamais rien n'est simple au Vietnam. Une semaine. 5 jours de patrouille en pleine jungle, 2 jours de reconnaissance et l'assaut. Un délai de 48 heures. 300 000 maintenant. Comme ça, personne n'aura de regrets. Vous vous chargez des transports aller-retour. Vous faites pas d'illusions, il n'y aura peut-être pas besoin de vous ramener. Oh. Prière de respecter les lieux de rendez-vous et les horaires, c'est un petit conseil d'amis. Mais voilà. C'est donc la fin de ce 70%. Merci beaucoup, Jessica Lesage. Tu iras voir la description de l'émission de v'là 2-3 semaines, voir si t'es pertinent ici, toi. Et après ça, Simon Préjean, merci beaucoup de revenir nous parler des vraies affaires. Merci de m'accueillir. Je vais revenir bitcher le peuple. C'est la première fois que je vois des gardiens de sécurité forcer quelqu'un de rentrer. Et puis, Étienne Forêt, ben, merci beaucoup. On va dans la... J'ai encore plein d'autres belles nouveautés pour la semaine prochaine. Et voilà, 70%. On vous laisse avec Ultimax Force. Tu sais que j'ai risqué ma peau en allant là-bas? Ne me dis pas que tu as volé ces dossiers. Tu croyais peut-être qu'ils allaient me les servir sur un plateau? D'après toi, ils n'ont pas remis leurs dossiers sur le Vietnam à jour? Vous allez vous planter. Laisse tomber, Burton, c'est du suicide. Vous n'avez pas la moindre chance de vous en sortir. Te fatigue pas, Bob. C'est de la folie pure. Oublie John Wayne, c'est fini. Le monde n'a plus besoin de héros. Tirez-vous! Tu refuses de nous aider. Je suis pas fou. Les agents du DIA sont là. Passez par derrière. Allez, vite, baignez-vous! Bob Cummings, je vous arrête. Swiss, fouillez partout. Hey, du calme, j'ai pas l'intention de trouver. Un mot, je tire. Du calme. Y a personne derrière. Hey, merde. Arrêtez. Écoutez, c'est ce que vous voulez. Pas de problème, je vous le rends. N'essaie pas de jouer au plus malin. T'expliqueras ça au capitaine. Calme. Allez. On peut ce soir. Quoi? Ben vous avez perdu la tête, ma parole. Je vous avais dit que j'avais besoin d'un délai de 48 heures. Vous n'avez qu'à faire une exception, docteur. J'ai pas d'ordre. Ah. On veut partir d'ici tout de suite. Officier John, je vous écoute. Opération ici, le docteur Death. On embarque 4 Gus pour le Laos ce soir. Il nous faut 48 heures de délai. Bordel de merde, c'est pour ce soir. Faites-nous passer en priorité. Il n'y a pas de bagages. Bien, monsieur. Et dis à Lloyd de les attendre à l'endroit habituel. Mais je ne sais pas où il est. Mais alors démerdez-vous pour le trouver. Je vais faire mon possible, monsieur. Ça y est, votre avion sera prêt à décoller dans une demi-heure. Pour les armes et les vivres, vous les aurez au Laos. Préparez-vous. Dans 20 minutes, on est au Laos. Occupant un pavillon complet de l'Université du Québec à Montréal, le projet interdisciplinaire Le Cado vous fera vivre une expérience sensorielle hors du commun. L'événement Le Cado est présenté du 27 août au 2 septembre au pavillon de danse de l'UQAM. Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 7$ au bistrot vice-versa ou au 514-497-9551. Visitez le www.lecado.ca pour obtenir plus d'informations. Veuillez prendre note que la représentation du 1er septembre sera faite en